L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le rover Curiosity vient de montrer que la fine atmosphère de Mars est en partie modelée par l'irradiation de la surface martienne par le rayonnement cosmique. Et ces gaz rares sont en proportion inattendue. C'est avec l'instrument SAM, Sample Analysis at Mars, que cette découverte a été faite concernant l'abondance de deux gaz, le xénon et le krypton. Ces deux gaz sont particulièrement importants car ils permettent d'étudier les mécanismes d'érosion de l'atmosphère de la planète rouge. L'équipe dirigée par Pamela Conrad du NASA Goddard Space Flight Center trouve que les études sur le xénon et le krypton, notamment à partir des météorites martiennes ou des toutes premières missions in situ, n'étaient que très parcellaires. Sam, à bord de Curiosity, a pu analyser les deux gaz pour la première fois isotope par isotope, c'est-à-dire 6 isotopes pour le krypton et 9 pour le xénon, des isotopes stables. Cette analyse a été effectuée par spectrométrie de masse statique, une méthode ancienne, mais une première sur le sol d'une autre planète. Les chercheurs qui publient leur étude dans Earth and Planetary Science Letters montre que certains ratios d'isotopes se trouvent être différents de ce qui était attendu. Il existe un excès de xénon 124 et de xénon 126, ainsi que de krypton 80 et de krypton 82. La seule explication possible est que des neutrons aient été transférés d'un noyau atomique à l'autre par le processus de spallation puis capture neutronique. Des noyaux de brome et de barium peuvent avoir fourni des neutrons à l'intérieur des couches du sol martien par interaction directe, une spallation, de rayons cosmiques énergétiques qui bombardent, rappelons-le, en permanence la surface de Mars, pour donc produire les isotopes observés en excès via des captures neutroniques. Ensuite, ces isotopes volatiles peuvent avoir été rejetés vers l'atmosphère de la planète en s'échappant du régolithe par des fissures générées par des impacts, par exemple. Il faut savoir que les abondances de xénon et de krypton sont très différentes entre les atmosphères de Mars et de la Terre, surtout d'ailleurs concernant le xénon 129. Ces nouvelles mesures vont permettre d'affiner encore mieux l'histoire de l'atmosphère de Mars, dont la reconstitution est sujette à de subtiles mesures à distance et in situ, bien sûr, ainsi qu'à des variabilités de modèles. L'article de Pamela Conrad et ses collaborateurs est paru dans Earth and Planetary Science Letters, le volume 454, en date du 15 novembre 2016. Et oui, un petit peu en avance de phase. Il s'intitule In Situ Measurement of Atmospheric Krypton and Xenon on Mars with Mars Science Laboratory. L'autre nom de Curiosity, bien sûr. Allez, à très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le www.sasepasselahaut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'irradiation de Mars se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission toujours sur podcloud.fr, sur iTunes et sur Stitcher. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, en regardant Mars par exemple, et les pieds sur Terre. Allez, salut !